Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro, ouh, est, le ouvert, micro est ouvert, à toi. Oh. Le lanceur d'alerte, ça peut être un chercheur, un salarié d'entreprise ou un simple citoyen qui dénonce des faits dangereux pour la santé ou l'environnement. J'ai envie de vous faire partager un document sonore de la radio des collègues qui font de la radio aussi. Je suis tombée complètement par hasard, j'avais le poste allumé, France Inter, et j'entends ce que j'entends à la radio et j'aimerais le faire partager. Alors, ce que vous allez entendre, c'est vraiment des bouts, c'est-à-dire que j'ai pas mis l'entièreté, c'était impossible, puisque micro ouvert, c'est aujourd'hui la parole dans un bled, dans un village, sur la solidarité, hein, des gens qui se mettent ensemble et qui décident d'aider, de mettre des moyens en place pour aider là-bas, tout loin là-bas. Là, maintenant, je vous fais écouter Augmenter le volume. C'est une émission qui s'appelle Comme un bruit qui court. C'est le nouveau magazine de reportage de France Inter. Pour raconter aux uns comment vivent les autres. Comme un bruit qui court, c'est la rumeur des contestations sociales qui traversent un monde en crise. C'est l'écho de vieilles histoires toujours en cours, la vibration des nouvelles alternatives qui s'inventent, le murmure de ceux qu'on entend peu, la parole donnée aux maquisards de la pensée contemporaine plutôt qu'à ses maquignons. À coups d'enquêtes, de portraits et de voyages sonores, Charlotte Perry, Antoine Chao et Guy Van Ketil, reporter de longue date de l'émission Là-bas, si j'y suis, explore les friches d'un monde en mutation pour apporter un éclairage critique sur l'actualité et les enjeux de société. Retenez, c'est tous les samedis de 16 à 17 heures, comme un bruit qui court, c'est absolument bien fait. Le lanceur d'alerte. Ça peut être un chercheur, un salarié d'entreprise ou un simple citoyen qui dénonce des faits dangereux pour la santé ou l'environnement. Médiateur, médiateur. Amiante, amiante. Fichier STIC, UBS, Watergate. Dans sa petite ville des Vosges, c'est toujours un anonyme. Pourtant, Antoine Deltour, 28 ans, est l'homme à l'origine des révélations LuxLeaks. Edward Snowden n'a l'air ni intimidé ni anxieux. Pourtant, il est recherché par les services secrets américains. Je suis un homme comme les autres, qui fait son boulot tous les jours. Surveillance. On a appris hier soir la mise en examen de la filiale française de la banque suisse UBS. Les investigations avaient été lancées après des dénonciations d'anciens salariés. Elle est soupçonnée d'avoir cherché à convaincre de riches clients français d'ouvrir des comptes non déclarés en Suisse. Surveillance. Alors que les Grecs luttent pour se réapproprier le pouvoir, c'est peut-être un peu de notre pouvoir qui risque d'être renié à Bruxelles et à l'Assemblée nationale. Au nom de la guerre économique, les entreprises nous demandent de faire preuve de patriotisme. Et oui, elles sont menacées, menacées de toutes parts, et demandent donc à être protégées, et en particulier leur secret des affaires. Vaste champ qui regroupe fichiers, procédés de fabrication, listes de produits chimiques, bref, tout ce que les entreprises ne souhaitent pas rendre public et parfois au détriment de la santé publique, comme on l'a vu avec l'affaire du Mediator ou des finances dans les scandales d'évasion fiscale organisée. Alors au nom de la compétitivité, et oui, les entreprises et les milieux d'affaires ont réussi à convaincre les élus du bien fondé de se doter d'une loi prévoyant de punir quiconque qui révèle sans autorisation ou détourne toute information protégée au titre du secret des affaires. Alors que cette semaine, les parlementaires discutaient à Bruxelles de ce projet de directive, à Paris, sans attendre, dans la nuit du 17 janvier, en catimini, la commission spéciale de l'Assemblée nationale sur la loi Macron intégrait déjà un texte sur la protection du secret des affaires. Pour comprendre ce projet, partons d'abord à Bruxelles. Donc je m'appelle Martin Pigeon, je travaille pour une ONG qui s'appelle Corporate Europe Observatory, Observatoire de l'Europe des multinationales, et dont l'objet est de décrire l'influence excessive, à notre avis, de ces acteurs sur les politiques européennes, sur les décisions européennes. Et notamment, en particulier, justement, du poids des lobbies à Bruxelles. On estime qu'à Bruxelles, il y a entre 20 et 30 000 lobbyistes professionnels. À peu près 70% représentent des intérêts commerciaux, 20% des intérêts publics, donc les États, les régions, les villes. Et les 10% qui resteraient seraient la société civile organisée, donc des associations comme la nôtre ou les syndicats. Il y a encore du chemin à faire pour arriver à une véritable lisibilité, à une véritable transparence. Transparence, non, on n'y arrivera jamais, mais une véritable lisibilité, en tout cas, de ce phénomène-là. Et alors justement, là, on va rentrer au Parlement. Il y a une série d'auditions dans différentes commissions parlementaires au sujet d'un texte qui nous occupe beaucoup, qui est le projet de directive sur les secrets d'affaires. C'est quelque chose qui est demandé par l'industrie, notamment depuis très longtemps. Là, on s'est réfugié dans l'une des grandes allées à l'intérieur du Parlement européen. Alors justement, on va essayer aujourd'hui d'informer sur ce qui est débattu en ce moment au Parlement européen. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet? Comment est défini le secret d'affaires? Ce texte-là, il permet aux entreprises de poursuivre toute personne pour une acquisition, un usage ou une publication illégale de secrets d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un instrument juridique pour les entreprises pour pouvoir poursuivre et pénaliser en fait la divulgation de documents ou de fichiers internes à l'entreprise. Qu'elles considéreraient comme des secrets d'affaires, exactement. C'est quelque chose qui, à ma connaissance en tout cas, vient surtout des États-Unis, où là, la définition et la protection des secrets d'affaires est très extensive. Par exemple, vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir accès à la composition des fluides qui sont employés par la fracturation hydraulique aux États-Unis. C'est considéré comme un secret d'affaires. Dans l'extraction des gaz de schiste, hein, oui, le produit utilisé pour fracturer le sol, la roche. Les fractures de la roche ouverte, ouais. Et donc, ça veut dire que vous avez des gens qui se retrouvent avec des produits chimiques, manifestement de synthèse, dans leur eau potable, qui portent plainte et qui se font débouter parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à la preuve que ce produit chimique est employé par l'entreprise d'extraction de gaz de schiste qui est à côté de chez eux et qui, manifestement, est la source de ce produit-là. Quand on interdit la publication de ce genre d'informations, ça veut dire qu'on permet aux entreprises d'échapper à leurs responsabilités. On voit, par exemple, que le FPIA, donc le lobby de l'industrie pharmaceutique ici à Bruxelles, a accueilli extrêmement favorablement le projet de la Commission en expliquant dans son communiqué de presse, notamment, que presque l'essentiel des informations, des documents et des matériaux utilisés par l'industrie pour élaborer de nouvelles molécules, par exemple, tombent sous le chef du secret d'affaires. Donc l'industrie pharmaceutique s'oppose à l'accès public à ces informations-là en prétextant que ces études-là coûtent très cher. C'est toutes les données de produits chimiques ou... Ce sont donc les essais cliniques de l'industrie pharmaceutique, les études toxicologiques de l'industrie des pesticides, mais c'est aussi toutes les études qui sont faites sur les additifs alimentaires. Et de manière générale, en fait, toutes les études scientifiques menées par l'industrie sur ses propres produits pour évaluer leur toxicité. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse savoir qui prend quel risque et pourquoi. Et qu'on puisse avoir une discussion informée là-dessus. Et après, on discute. Et après, on décide. C'est ça, la démocratie. Et le problème, c'est qu'avec un texte comme ça, y a pas de discussion possible. Vous ne savez pas. Et vous ne pouvez pas savoir, et si vous hésitez à savoir, on va vous poursuivre en justice. Ça peut devenir un secret d'affaires, ça veut dire que ça peut être des documents, des fichiers de clients, des listes de produits chimiques, ça concerne tout le secret d'affaires, non? Alors, c'est très important, parce que, pensons au scandale LuxLeaks, par exemple, ça a été la publication de milliers de documents qui étaient détenus par PricewaterhouseCoopers au Luxembourg, qui sont en fait des preuves d'évasion fiscale massive de la part des plus grandes multinationales de la planète, et dont les victimes sont les populations européennes, sont nous, parce que c'est de plus en plus de grandes entreprises comme ça qui font des profits importants et qui ne payent plus leurs impôts. Il se trouve qu'il semblerait qu'un nombre important de ces documents ait été fuité par un ancien employé français de PricewaterhouseCoopers, dont le nom est apparu dans la presse, donc on peut le donner. Il s'appelle Antoine Deltour. PricewaterhouseCoopers poursuit aujourd'hui Antoine Deltour au Luxembourg pour un certain nombre de chefs d'accusation, dont le fait d'avoir publié des secrets d'affaires. Antoine Deltour, 28 ans, est l'homme à l'origine des révélations LuxLeaks. Des documents confidentiels qui révèlent des accords fiscaux entre le Luxembourg et des centaines de grandes entreprises. Amazon, Apple, IKEA, en tout plus de 300 multinationales citées. Ces documents, Antoine Deltour les a trouvés chez PricewaterhouseCoopers, un cabinet d'audit et de conseil dans lequel il a travaillé pendant 2 ans. Il était, dit-il, consterné par cette optimisation fiscale à l'échelle industrielle. Alors il pose sa démission. Mais à la veille de son départ, il y a 4 ans, il découvre un dossier informatique qui contient des centaines de ces documents. C'est là qu'il prend une décision lourde de conséquences. Ça veut dire qu'effectivement, donc avec cette législation, on ne pourra plus révéler des affaires de corruption, de fraude fiscale, d'évasion fiscale. Ah, on pourra toujours, mais on est en prison. Enfin, toutes ces informations-là, on doit pouvoir continuer à y avoir accès. Alors, c'est difficile, c'est dangereux. C'était déjà dangereux avant les secrets d'affaires, de toute façon. Si on commence à donner des droits aux entreprises de poursuivre des gens à travers l'Europe pour ce genre de faits, ça va être de plus en plus difficile, d'abord pour les lanceurs d'alerte, de franchir le pas, parce que ça demande un courage insensé de faire ça, du sacrifice que ces gens-là font pour le bien commun. Mais c'est pas simplement ça. C'est vous qui êtes journaliste, ça vous concerne directement. Tous les gens qui travaillent sur les entreprises, mais moi aussi, parce que nous, on fait des enquêtes essentiellement sur le pouvoir des entreprises, donc on a besoin de publier des informations internes à des entreprises. C'était déjà très difficile. Ça va devenir encore plus compliqué. L'une des députées qui défend ce texte dans le sens très pro-entreprise, c'est Constance Le Grip, qui est députée française. Elle est rapporteure sur ce texte dans la commission directrice. Donc ça veut dire que c'est elle, en fait, au Parlement, qui a la voix la plus importante sur ce texte-là. Innovation, compétitivité, savoir-faire, confiance, croissance, moi, ce que j'ai entendu dans l'audition, quand elle a introduit la séance, création, c'était une liste de mots-clés. Et c'était pas une phrase, c'était des mots-clés. Et dans ces mots-clés, c'était quoi? C'était innovation, compétitivité, entreprise. Enfin, j'ai pas entendu le mot liberté, j'ai pas entendu le mot information. Santé, j'ai pas entendu ça non plus. Environnement non plus. On nous explique qu'il est absolument impératif d'avoir un régime harmonisé et amélioré au niveau européen pour faire mieux concurrence avec les États-Unis, pour lutter contre l'espionnage industriel chinois, ce genre de choses. Le problème, si vous voulez, avec ce genre d'argument, c'est que si on fait la course avec les pires, on va jamais gagner, quoi. Ou alors tout le monde va s'aligner sur, effectivement, le régime politique chinois, c'est-à-dire un capitalisme en régime dictatorial. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Moi pas. Innovation avec le projet de texte qui nous est présenté. Compétitivité par la Commission savoir-faire européenne. Écoute, confiance. J'ai un secret à te dire, surtout garde-le pour toi. Écoute, mon cœur brûle de te le dire, son désir est d'être à toi, car tu l'as rendu fou. Ce doux secret, je te l'avoue, garde-le bien, j'en suis jaloux. Secret à te dire, surtout garde-le pour toi. Écoute, cache-le à tout le monde et qu'il ne s'envole pas. C'est un secret à nous. Micro ouvert à Montgodine. Vous connaissez Montgodine? Ici, vous êtes plutôt à Godine. Hein. Mont, c'est sur les dessus. Godine, c'est le village du bas. Les deux villages ont été fusionnés, une fusion avant la lettre, pendant quelques années, au début du XXe siècle, je crois. À l'époque, on disait Montgodine. Maintenant, on dit Mont, on dit Godine. Ce sont deux villages de l'entité d'Ivoire. Mais au bout du bout, ils n'en forment qu'un, quoi. Il y a des liens entre Mont et Godine, et dans le cadre de l'amicale dont je vais vous parler, certainement, mais chaque village, chacune des entités a sa vie propre, ses associations, avec des échanges, des collaborations, beaucoup d'amitié entre les habitants, mais aussi des particularités. Mais ce que je veux dire, c'est au niveau politique. C'est à y voir que ça se passe, mais c'est Montgodine, quoi. On ne sépare pas les deux au niveau politique, quoi. Ben, au niveau politique, c'est l'entité d'Ivoire, avec 9 villages qui la composent, hein, dont les villages de Mont et de Godine. Ben, c'est vrai que dans le langage courant, on parle encore de Montgodine, surtout quand on parle de la clinique de Montgodine. Quoi, vous êtes né ici, vous, monsieur ?